Les cadres des organisations centrales sous l'égide de l'Association générale des Coréens restant au Japon ont publié le 7 et 8 courant les communications favorables à la lutte de toutes les couches sociales sud-coréennes contre la disposition de SAD. Le président de l'Association des résidents coréens au Japon pour la réunification pacifique, le président de l'Association des sociologues coréens au Japon et la vice-présidente du présidium du Comité central de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon ont indiqué comme ce qui suit. La lutte de toutes les couches sociales de la Corée du Sud contre la disposition de SAD des États-Unis est tout à fait juste pour la souveraineté et la sécurité de la nation. Les États-Unis et les autorités sud-coréennes doivent bien voir l'aspiration de toute la nation coréenne à la réunification indépendante et pacifique de la patrie et le courant de l'époque et renoncer immédiatement à la disposition criminelle de SAD.